sur les rails d'un tunnel, loin de Wish City. Nous nous étions lancés à la poursuite du rat qui avait kidnappé Mila. Pour essayer de faire copain-copain avec nous et nous montrer une réelle sympathie à notre égard, il nous a trimballés dans l'un des tunnels les plus dangereux, celui menant au gouffre, une succession de failles donnant au cœur même de la terre aux flammes vrombissantes du noyau. Roulant à fond la caisse sur des rails, surplombant les gouffres, vous et moi on essayait d'attraper la main tendue de Mila. Elle tentait de s'extirper de la patte griffue du rat qui ne cessait de courir sur la paroi. « Votre main, Mila !»« C'est votre main qui est toute petite aussi! J'arrive pas à l'attraper !»« Mais je fais ce que je peux !»« Mais moi aussi !»« Barrez-vous! Barrez-vous !» Le rat gueulait, lâchant son haleine pestilentielle. « Pouf! Oh, il a bouffé du rat mort, lui !»« On a un autre problème, Squeak. Je ne voudrais pas te déranger dans ton héroïque tentative de sauvetage, mais il n'y a plus de rail !» La ligne de chemin de fer s'arrêtait quelques mètres plus loin. Nous foncions droit vers un vol plané. Droit vers une mort certaine, car si le rat pouvait courir sur les parois avec ses pattes griffues, nous, les Bifwish, nous n'avions que des chariots pour nous déplacer. Faire une mort certaine. Bifwish. Bifwish. On l'a eu, ce petit tindra. J'ai bondi. Quoi encore? Vous avez secouru les blessés? Le plan de sauvetage est en place? C'est pas ça, chef! Y'a des flics! Qui viennent nous voir? Ils arrivent jamais au bon moment, cela. Chef Moriarty? Dites, vous entendez pas les sirènes des chantiers quand elles se déclenchent, hein? On a été attaqué par deux rats. Nous savons ça, chef Moriarty. Vous en avez eu un, on dirait. Il est là comme endormi. Félicitations. Nous avons ordre de le ramener au grand laboratoire de Wish City. Il doit y subir des analyses. Ouais, faites-en ce que vous voulez. Hé, aidez-nous! Il y a des blessés par ici! Putain, il y a quelqu'un qui m'a cassé mon bras! Ça va aller, Frédéric, ça va aller! Ça devient vraiment dangereux le métier de creuseur. Les faux les boules, les éboulements et maintenant les rats. T'as une tache, là. Là, c'est du sang. Non, je déconne, c'est... Ah non, c'est bien du sang. Je n'ai absolument rien à faire dans cette scène! Wish TV. Wish TV. Toujours sur l'info avec Monico Monica. Bonjour, on vient d'apprendre à l'instant que les creuseurs ont encore subi quelques pertes aujourd'hui. Après le grand éboulement dans la galerie Est, c'est dans la galerie Ouest que les creuseurs Bifwish ont été surpris par des taupes un peu hargneuses. Elles ont très vite été repoussées. Tout est enfin rentré dans l'ordre. Il n'y a pas raison de s'inquiéter, nous déclare le chef Moriarty. Ils étaient énormes! On a sauté sur eux et on leur a latté les couilles avec des pelleteuses! Ça me rappelait la guerre des tranchées! J'ai retrouvé mes 20 ans! Taupes! C'était des taupes! Voilà pour l'actualité. Retrouvons tout de suite la suite des publicités. Monico Monica pour Wish TV News. Bon après-midi sur Wish TV. Wish TV, l'info, la vraie, celle qu'on ne truque pas. Ah! Je vous tiens! J'avais enfin attrapé la main de Mila. Il sert fort! Le rat tenait toujours Mila dans sa patte. Je la lâcherai pas, elle est à moi, rien qu'à moi! Mais qu'il est possessif, ce garçon! Vous croyez vraiment que c'est le moment de plaisanter? Ça y est, je sais à quoi va me servir la pioche! Vous avez ramassé une pioche dans le chariot qui fonçait sur les rails. Il la tenait toujours dans ses mains. Il s'est hissé sur le bord du chariot brinque-ballant. Lâche-la, grosse bête! Il a frappé un grand coup sur le rat. La pioche s'est enfoncée dans son arrière-train. Sa main a laissé échapper Mila. Elle est retombée sur moi, dans le chariot. Nos regards se sont croisés. Le rat, lui, avait glissé sur la paroi, roulant vers le gouffre, roulant vers les flammes, en hurlant. Il s'est rattrapé d'une patte, la pioche toujours plantée dans le derrière. Je l'ai eu, le petit salopio. Merci. De rien. Je la tenais dans mes bras, allongée dans le chariot. Elle sur moi, moi sous elle. Son visage a brusquement changé d'expression. C'est le moment de me violer. Mais je... Oh, vos mains sur mon corps, mais c'est d'une délicatesse, monsieur, je ne pense qu'à ça. Elle s'est relevée d'un bond. Non, oh, pardon, la prochaine fois, je vous laisserai vous faire bouffer par un rat en furie. Mais j'y compte bien, pauvre creuseur de merde. Et je vous prierai de pas être vulgaire. Je ne voudrais pas vous déranger, mais tout à l'heure, j'ai déjà dit que les rats s'arrêtaient. Ce qui sous-entendait qu'on allait se fiander dans une province, non ? Quoi ? Je me suis relevé. Juste à temps pour voir le chariot basculer dans le vide. Les rails s'arrêtaient juste là. Tombions dans le grand gouffre, les chariots projetés à une vitesse folle.